Karim Ouamad, ce jeune Britannique de parents pakistanais et marocains, sillonne le monde en psalmodiant le Saint-Coran. Son éloquence vient d'un long parcours à travers des concours nationaux et internationaux. Aujourd'hui, il se réjouit de son passage à Mayotte. It's at the end of the world. We are from London. I'm from Europe. Je découvre ici un petit bout du monde. Depuis Londres et l'Europe, je suis venu à la rencontre de cette jeunesse. On partage la même confession religieuse et surtout partager le Saint-Coran. C'est très important ici à Mayotte. La venue du jeune Britannique a été mûrement préparée par trois associations. Le CREM, Conseil représentatif des musulmans de Mayotte. Le Tandem Coran, qui veut dire l'association pour la promotion du Saint-Coran dans l'île. Et la Fédération des associations d'éducation islamique de Mayotte. Nous savons que cette jeunesse, à travers ses réflexions, est perdue par le fait qu'elle a perdu ses repères, c'est-à-dire les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire les valeurs de la population mahoraise, les valeurs communautaires qui sont basées sur le respect, la recherche de la connaissance et la recherche de la solidarité envers la population. L'invitation de Karim Ouamad a aussi un objectif éducatif. La lecture du Coran, le domaine dans lequel nous nous sommes investis, c'est un domaine qui est récent à Mayotte au niveau de la façon de lire le Coran avec tajwid. Donc on est là pour faire du rattrapage, mais en même temps nous visons l'excellence et c'est une façon de contribuer à la responsabilisation de ces enfants, c'est-à-dire à travers leur réussite et en luttant contre l'échec, parce que lorsqu'on les sensibilise aux compétitions, on les motive et on les sensibilise aux concours internationaux, aussi bien pour leur vie quotidienne, mais également pour leur vie professionnelle. Et pour amener les jeunes Mahorais à suivre l'exemple du jeune Britannique, plusieurs concours sont organisés régulièrement au niveau du département.